pendant la fenaison par André Theuriet. Sous la toiture en auvent de la galerie où grimpait une vigne feuillue, mon hôte avait fait servir le café et nous devisions doucement, en regardant le soleil s'abaisser vers les montagnes vaporeuses. La maison bâtie à l'entrée de Rovani, sur un tertre planté de noyers, dominait les prés montueux, les gorges profondes où des torrents ruisselaient en cascade, et tout au fond, la nappe largement étalée du lac d'Annecy, que le couchant teignait d'une riche couleur à la fois vineuse et dorée. Un grand calme nous environnait, et une pénétrante odeur de foin montait des prairies que l'on commençait à faucher. « Oui, me dit mon hôte, j'ai été comme vous un amoureux de Paris et un fervent boulevardier. En fait de coucher de soleil, je n'admirais que ceux que l'on contemple de la terrasse des cafés du boulevard des Italiens. Quand les rayons déclinants rougissent la chaussée poudroyante et s'enfoncent derrière la Madeleine. J'ai été brusquement guéri de mon parisianisme par le coup d'état de Louis Bonaparte. En juin 1852, tandis que des milliers de pauvres diables d'employés signaient, le poignard sous la gorge, d'humiliantes pétitions où ils déclaraient que la proclamation de l'Empire manquait seule à leur bonheur, je partis écœuré, je quittai Paris en secouant la poussière de mes pieds et je me hâtai de passer la frontière. À cette époque, la Savoie était encore piémontaise. Je me décidai à m'y installer aux environs d'Annecy. Là, du moins, je respirais un air imprégné d'honnêteté, et je pouvais de ma fenêtre apercevoir les cimes du Jura français. Je regardais de loin ces montagnes derrière lesquelles ma patrie abusée se laissait servir par un César de troisième ordre. L'indignation me montait à la gorge. Je rougissais de mes concitoyens, et l'ennui de vivre m'envahissait. Je n'avais plus de goût que pour la nature sauvage et élémentaire, pour les plantes et les libres oiseaux des bois. Je dépensais mélancoliquement ma jeunesse forcément oisive en des courses interminables à travers la montagne. Un soir d'été, après une excursion à la Tournette, je m'étais arrêté, comme nous aujourd'hui, au village de Rovani. Les prés en pleine floraison n'étaient pas encore fauchés. Vous n'avez pas idée de la plantureuse fécondité de nos prairies de montagne et de la profusion des fleurs qui s'épanouissent brusquement au soleil de juin. Nos pâturages sont comme un jardin. Les renoncules aux blancheurs de neige, les lys martageons aux magnifiques corolles tigrées, les myosotis d'azur foncé, les orchidées les plus étranges y foisonnent dans l'herbe haute et drue. Et quel parfum tout cela répand à la tombée du soir. Après avoir dîné à l'auberge, je suivais un sentier qui zigzaguait à travers la prairie en pente et grisé, halluciné à demi par ses odeurs qui s'exhalaient comme l'haleine voluptueuse de la terre. Je me sentais repris par de lointaines superstitions d'enfance. Je me rappelais le temps où, tout jeune écolier, j'allais au crépuscule à travers les prés de mon pays, évoquant la fée qui, au dire de ma nourrice, donnait à l'herbe récemment fauchée sa senteur exquise. Je croyais alors fermement encore trouver la dame verte des prairies, habillée d'une tunique de brin d'herbe et coiffée des blanches aigrettes de la spirée ulmère. Ce qui me désespérait, c'est que j'arrivais toujours trop tôt ou trop tard pour la voir danser sur les fines tiges des graminées. Mais le lendemain, on me montrait pour le pâtis des cercles où le gazon avait poussé plus vert et plus dru, et on m'assurait que c'était la place où la fée avait dansé en rond toute la nuit. Ce soir-là, à mesure que le crépuscule embrunissait davantage la prairie, mes croyances enfantines ressuscitaient plus vivaces. Certes, pensais-je, si à l'époque de ma dixième année, je m'étais trouvé dans des prés aussi plantureux, aussi fleuris, aussi éloignés des villes et de la civilisation, j'aurais peut-être vu la dame verte surgir tout à coup d'une touffe de spirée. Cependant, tandis que je m'enfonçais dans mes rêveries, la nuit devenait plus obscure, et soudain, dans cette obscurité, je perçus un bruit mystérieux, quelque chose comme un frôlement d'étoffe parmi les herbes froissées. Je relevai la tête, et le cou tendu, les yeux fixés vers la pente assombrie d'où partait cette rumeur, je vis une indécise forme blanche ondulée sur le vert sombre de la prairie. Au même moment, la lune se leva au-dessus de la Tournette. Non, ce n'était pas un flocon de vapeur, ce n'était pas non plus une hallucination. Cette forme svelte qui s'avançait, se baissait, se haussait là-bas, suivant une sorte de rythme silencieux. C'était bien une créature vivante, Je distinguais maintenant sa taille souple, son cou nu et le scintillement humide de ses yeux. Il me semblait même que tout en marchant, elle murmurait un chant très doux, une sorte d'incantation fredonnée du bout des lèvres. Peu après, elle sortit de la pénombre, la lune l'éclaira en plein, et je vis très nettement ses cheveux blonds formant comme une auréole autour de son clair visage, et ses mains serrant contre sa poitrine une gerbe des reines des prés et des lys martagon. Ébloui et magnétiquement attiré, je m'élançai brusquement vers cette féerique apparition, mais au bruit de mes pas, elle recula, puis s'envola plutôt qu'elle ne courut vers la maison où nous voici. Sa blancheur plongea dans l'ombre et s'effaça sans le moindre bruit, comme une nuée qui s'évapore. Je rêvais d'elle toute la nuit et le lendemain, sous un prétexte quelconque, je pénétrai dans la maison derrière laquelle elle avait si soudainement disparu. Une servante me fit monter sur cette galerie où nous sommes. Dans un vase de grès posé sur ce mur, je reconnus tout d'abord les lys martagon et les reines des prés qui m'avaient frappé la veille. Et la vue de ces fleurs commençait à me convaincre que ma vision n'était pas une pure chimère, quand la mystérieuse dame verte ouvrit une porte et se montra devant moi. Ah, monsieur, la réalité dépassait encore le rêve. Dans la lumière du plein jour, Claudia était 100 fois plus charmante qu'à la clarté de la lune. Blonde, avec des yeux d'un bleu vert, un teint blanc, des lèvres souriantes, de beaux bras et de royales épaules, il y avait en elle un mélange de robustesse et de grâce qui enchantait le regard. Elle vivait seule dans cette maison avec un vieux grand-père. Dès que nous eûmes échangé quelques paroles, je compris que mon sort était fixé et que la prairie me retiendrait pour longtemps enchaînée par d'invisibles liens dans sa verte solitude. Je devins l'hôte assidu de cette maison perdue dans la montagne. Plus je voyais Claudia, plus je subissais son charme. Elle était bien l'émanation de la prairie plantureuse et fleurissante. Elle en avait la verdeur, l'éclat et le salubre parfum. N'êtes-vous pas de mon avis ? Nous nous assimilons inconsciemment les propriétés et les sèves du sol près duquel nous sommes nés et vers lequel nous nous sommes penchés tout enfant. Nous en absorbons le suc. Nous en respirons les subtiles effluves. Claudia et la prairie étaient sœurs, elles s'aimaient, et quand à mon tour j'aimais Claudia, lorsque je lui épousai, elle me communiqua un peu à peu une énergie et une tendresse puisées aux sources intimes de la nature. Avec elle et pour elle, je repris du goût pour l'action, non pas l'agitation fiévreuse de vos grandes villes, mais l'activité féconde et saine qui se modèle sur le travail productif et silencieux de la terre. Je n'ai plus quitté cette maison. Je suis devenu campagnard. Claudia et moi, nous avons vécu heureux ici pendant de longues années. Puis un soir, la blonde fée des prés, la chère compagne de mon âge mûr, s'est évanouie dans la mort presque aussi brusquement qu'elle s'était jadis dérobée à mes yeux dans l'ombre de la maison paternelle, la nuit où je l'avais rencontrée pour la première fois. Mais la mort n'est pas l'anéantissement, ce n'est que la transformation de la substance. J'ai fait enterrer Claudia au milieu des pâtis de la montagne et en juin, quand nos fleurs alpestres s'ouvrent dans l'herbe de rue, je crois voir encore ses yeux bleus me sourire à travers les corolles des gentianes et des anémones. Mon hôte se tut. Dans le silence de la nuit tiède, le vent nous emporta l'odeur des foins coupés des reines des prés. Il nous sembla sentir passer près de nous le souffle parfumé de Claudia, dont l'âme était éparse dans les herbes de la prairie. André Theuriet.